Wallahi, cette dunya n'a pas de valeur. Si elle avait de la valeur auprès d'Allah, si elle avait ne serait-ce que la valeur d'une aile d'une mouche, Allah n'aurait pas donné à un mécréant une gorgée d'eau dans cette dunya. Wallah, il n'aurait pas pris une gorgée d'eau. Lakin dunya, comme son nom l'indique, elle est basse et elle n'a pas de valeur auprès d'Allah. Elle est maudite dans son intégralité, excepté ce qui rapproche d'Allah dans cette dunya, telle que son évocation, telle que la demande de science et sa mise en pratique. Mais sinon, le reste de cette dunya, derrière les gens, derrière lequel les gens se concurrencent et vers lequel ils se précipitent, tout en étant complètement détournés de l'akhirah et ne lui accorder aucune importance ni aucun intérêt, tout ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Et subhanallah, le croyant à qui Allah a accordé une intelligence, il prend exemple sur les gens passionnés, les gens qui ont un grand amour pour dunya. Tu constates en France, quand ils annoncent des soldes, quand il y a des magasins qui font des soldes, et plus les soldes sont importants, car il y a des magasins, ils font des soldes, c'est juste de la publicité. Mais il y en a, ils font vraiment des soldes. Ils veulent se débarrasser de certains produits. Les gens, quand ils savent ça, tu constates qu'il y en a qui peuvent arriver à 4 heures du matin, alors que le magasin n'ouvre qu'à 9 heures ou à 8 heures. Il peut arriver à 4 heures, 3 heures du matin, et il se met devant la porte. Il reste dans le froid, il patiente. Pourquoi? Pour acheter un morceau de tissu, peut-être qu'il ne le portera même pas. Peut-être qu'il mourra dans la file d'attente avant d'arriver à acquérir cette chose pour laquelle il est sorti de chez lui, il a quitté son lit, et ainsi de suite. Donc si ces gens-là, ils font ça pour ces choses qui n'ont aucune valeur, qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour le paradis? Le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Et la marchandise d'Allah, certes, elle vaut cher. Donc tout ça doit t'aider à multiplier les efforts et à ne pas se lasser et à recharger les batteries pour persévérer et être constant dans ton adoration et dans ta demande de science et ne pas abandonner. Et ça, c'est des choses qu'on constate même fil Madina. Même fil Madina. Quand il y a un cours qui commence, au début, tu trouves qu'il y a 200 personnes qui assistent, 300, 400, la mosquée est remplie. Mais petit à petit, le nombre diminue jusqu'à vers la fin du cours où tu vas trouver une trentaine ou une vingtaine à qui Allah a permis de rester constant. Donc, Akhi, tu as besoin de cette constance. Tu as besoin de demander à Allah la guider. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Quand tu demandes à Allah dans sourate al-Fatiha, dans chaque raka'a, ihdina as-sirata al-mustaqim, pense vraiment à cette guidée que tu demandes. Tu as besoin qu'Allah te guide vers la vérité que tu ne connais pas aujourd'hui. Tu as besoin qu'Allah te raffermisse sur la guidée vers laquelle il t'a guidé aujourd'hui déjà. Et tu as besoin qu'Allah t'accorde davantage de guider.